Je n'ai ingénu, sans être génie, j'imaginais nu, la belle Jenny. Jenny à genoux, mais gêné pas du tout, Jenny boit sans gêne, chez les indigènes. Jenny elle dormait sans corsage, Jenny la plus belle des sauvages. Jenny elle peut pas rester sage, même sur la plage. Je n'ai ingénieux, j'imaginais mieux, comme style de vie, pour notre Jenny. Des valses deviennent, des bijoux qui viennent, des princes de Gênes ou de Carthagène. Jenny, elle ne joue plus les dianes, elle a posé sa sarbacane. Elle préfère cueillir des bananes près de sa cabane. Jenny l'ange nu a bien déjeuné. Jenny n'a rien vu, un nuage est né. Jenny capturée sous les lacrymogènes et les fumigènes des civilisés. Jenny la belle Jenny s'étonne et elle rugit comme une lionne. Elle ne veut pas qu'on l'emprisonne, la belle Amazone. Aujourd'hui je nie connaître Jenny. Elle a bien changé, je l'ai vue poser sous les projecteurs et les lampes halogènes, sur toutes les chaînes de mon téléviseur. Jenny est nue, cette coquine, elle pose pour les magazines, mais notre belle androgyne perd ses origines. Oh, j'ai rajeuni, je revois Jenny, j'en rêve la nuit de ce temps béni, où elle buvait nue, sans éprouver de gêne, sans crainte d'être vue.